Chapitre 24e, un rayon de lumière. Le premier accès de désespoir passé, Anna prit le parti d'être de mauvaise humeur. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde la blâmait. Ce qui l'avait abattue les premiers jours, c'était la honte d'avoir dû comparaître devant le tribunal et la maladie de son père causée par elle à ce que prétendait Esther. Elle boudait patience, qui de son côté était devenue grave et silencieuse. Elle restait assise, la plupart du temps au chevet du lit de son père, ne bougeant pas, ne parlant pas, ne mangeant que lorsqu'on lui apportait de la nourriture, et toujours possédée par la crainte qu'on ne lui fît une réprimande publique dans un meeting de Quaker. 15 jours s'étaient écoulés, Samuel Lynn n'avait pas encore repris connaissance. Anna, assise près de lui, tête baissée, sentit tout à coup la main de son père, celle qui n'était pas paralysée, se poser sur les siennes, jointes sur la couverture. Elle tressaillit, le regarda, et vit qu'il avait recouvré ses sens. Elle allait s'enfuir, mais il la retint. « Anna !» Elle tomba à genoux, tremblante comme une feuille, et se cacha la figure dans les draps. Samuel Lynn posa sa main sur la tête de sa fille. « Tu es mon enfant, Anna. Ta mère t'a laissée à moi pour la joie et pour la tristesse, et je te protégerai dans ton chagrin. » Anna fondit en larmes. Il la laissa pleurer. Il attira à lui sa figure humide et l'embrassa. Il lui parla avec douceur, n'articulant pas un seul mot de reproche. Les sanglots d'Anna se calmèrent. Elle restait à genoux, la joue appuyée sur la couverture. « Cela m'a presque tué, » murmura-t-il, « mais je veux vivre, je veux lutter pour vivre, afin que tu aies au moins un protecteur. Amis et ennemis pourront te blâmer, moi je ne le ferai pas. »« Pourquoi donc me blâmerait-il, père ?» demanda Anna, avec une légère inflexion de ressentiment dans la voix. « Je ne leur ai pas fait de mal. » « Non, mon enfant, ce n'est pas à eux, c'est à toi que tu as fait du mal. Je t'aiderai à supporter les reproches, tu es mon enfant. »« Mais ils n'ont rien à me reprocher, » insista-t-elle, sa figure toujours cachée dans la couverture. « Ce n'était pas agréable d'être là, mais c'est fini, ils ne devraient pas me le reprocher. »« Qu'est-ce qui est fini ? » demanda-t-il. « Au palais de justice, l'interrogatoire. »« Ce n'est pas là ce qu'on te reprochera, Anna, il n'y a là rien de déshonorant. » Anna releva la tête avec étonnement. « Qu'est-ce donc alors, père ?» Il ne répondit pas. Il ferma les yeux et poussa un profond gémissement. Anna se dit tout à coup que sans doute il pensait à sa liaison avec Herbert, à ses rendez-vous nocturnes. « Oh, père ! Ne sois pas fâché contre moi, » dit-elle en pleurant. « Je ne faisais rien de mal, je t'assure. Tu aurais toujours pu y assister. Pourquoi m'en voudrais-tu ? Je ne faisais pas plus de mal en causant avec lui de temps à autre dans le champ qu'en lui parlant dans le salon de Marguerite Ashley. » Quelque chose dans ses simples paroles, dans la voix, dans les manières d'Anna, fit battre le cœur du Quaker. N'avait-il peut-être pas fait une montagne d'une fourmilière ? Avant qu'il pût répondre, William entra, Anna s'enfuit. William félicita vivement M. Lynn de l'amélioration de sa santé. Le Quaker murmura quelques mots, comme s'il voulait dire qu'il n'aurait pas été malade s'il n'avait pas vu les choses sous un point de vue beaucoup plus grave qu'elles ne le méritaient. William se pencha sur lui d'un air content et d'un ton plus gai. « C'est ce que ma mère a dit à Patience aujourd'hui, » ajouta-t-il. « Ma mère est convaincue qu'on a beaucoup trop blâmé Anna. Elle avait grand tort, sans doute, d'aller se promener de nuit dans le champ, mais chacun aurait pu, comme elle, trouver la porte fermée en rentrant. Ma mère me l'a répété il n'y a pas une demi-heure. Elle a beaucoup parlé à Anna ces 2 derniers jours. Elle s'en veut d'avoir un moment partagé l'opinion générale. « Ah !» murmura Samuel Lynn, « on la blâme donc. Je le pensais. Les gens reviendront à la raison avec le temps, n'en doutez pas. » Le Quaker leva sa faible main et la posa sur celle de William. « Les Ashley l'ont-ils blâmé, eux ? Je le crains. » dut répondre le véridique William. « Alors, William, va vers eux, fais-leur comprendre la vérité. » William y allait déjà, car il était invité chez M. Ashley ce soir-là. Henry, la réunion des ouvriers et ses propres études, qu'il ne voulait pas complètement négliger, occupaient toutes ces soirées. Il avait pris, sur l'ordre de M. Ashley, la place de Samuel Lynn à la manufacture. Cyril grinçait des dents et regardait l'occupation de ce poste par William comme une injure personnelle. Mais Cyril n'avait pas le droit d'y rien changer. William trouva M. et Mme Ashley seuls. Marie était absente. Après leur avoir causé d'Anna pendant quelques minutes, il se leva pour monter auprès de Henry. « Comment a-t-il ce soir ? » demanda-t-il. « Malade et très irritable, » répondit M. Ashley. « William, vous avez beaucoup d'influence sur lui. Je voudrais que vous puissiez l'engager à se maîtriser davantage. Il n'est pas assez malade, à ce que je vois, pour garder sa chambre, et nous ne pouvons pas l'en faire descendre. » Henry était effectivement dans un accès de tristesse et d'irritation. « Ah, te voilà à la fin » s'écria-t-il quand William entra. « Si j'étais à ta place, j'aurais honte de négliger de la sorte un malade. Si j'étais fort et bien portant, et toi souffrant, tu verrais la différence. »« Je sais que je suis en retard, » avoua William. « Samuel Lynn m'a pris une partie de mon temps, et je suis resté quelques minutes au salon. »« Naturellement, tout le monde avant moi. » »« Samuel Lynn est beaucoup mieux, » continua William. « Il a repris connaissance. » Henry ne répondit pas, sa hanche le faisait souffrir. « Comment est-elle » demanda-t-il. La honte ne lui ôtera-t-elle pas la vie? Pas du tout. Elle est très bien. Quant à la honte, comme tu l'appelles, je crois qu'elle n'en a pas de reste. Elle en mourra, tu verras. Le plus tôt sera le mieux. William s'assit sur le bord du sofa. Henry, je voudrais te mettre au clair sur un point, mais tu te mets dans de telles colères qu'il est dangereux d'aborder ce sujet. Dis ce que tu as à dire. Dis-moi si tu veux que la maison est en feu et qu'on me jettera par la fenêtre pour me sauver. Cela ne me fera pas d'impression. Mes accès sont passés avec Annaline. Ce que j'ai à te dire se rapporte à Anna. Qu'est-ce que ça me fait? Elle est morte pour moi. Ce que je veux dire, c'est que la ville, avec sa façon hâtive de juger les choses, est passée sans réflexion à une conclusion inexacte. Il n'y a pas de raison valable pour blâmer aussi gravement Anna. Elle n'a été qu'étourdie. Henry reçut cette explication avec calme, presque avec apathie, et se retournant sur sa couche, il attira à lui la couverture en répétant: « Elle est morte pour moi. »